aucun continent, que ce soit l'Europe, les Amériques ou l'Asie, n'a jusqu'à ce jour réussi et ne peut prétendre établir un gouvernement continental, former un seul et unique État, forger une seule et même nation. Mais les États indépendants peuvent abandonner volontairement une partie de leur souveraineté nationale au profit d'un organisme supranational qui pourrait être au début consultatif et accroître progressivement sa compétence et son autorité dans le secteur qui lui serait dévolu. L'idée du marché commun est une idée force avec laquelle il faut compter, même si sa réalisation est difficile dans l'état actuel des échanges interafricains. Elle apporte un élément supplémentaire dans la prise de conscience africaine, celle de l'entraide économique, pour parvenir ensemble plus rapidement à une amélioration du niveau de vie des populations. À la tribune, ce 23 mai 1963, Ahmed Sékou Touré, président de la République de Guinée.